Chapitre 24 En correctionnel. Nous avons décrit la nouvelle résidence des Chopin, le dépôt, telle qu'elle à l'époque. Le brave JB en vit de dur. À 20 reprises, on le sortit de sa cellule pour le mesurer, le photographier, le frimer, c'est-à-dire le faire défiler devant la secrète, et après le frimage, des interrogatoires à n'en plus finir. Et de l'eau à boire, rien que de l'eau. Le soir, sa femme lui fit passer de l'argent et il put enfin s'offrir la goblette réglementaire. Une pauvre rincette de rien du tout. Et la solitude. Aucune nouvelle de la famille, ni de son aîné, le grand Charles, fricassé avec ses zigots avec lui. Le lendemain, il put se pousser une balade dans l'un des promenoirs cellulaires pendant une heure et il entrevit un coin de ciel gris. Il n'en menait plus large. Dans la journée, il reçut sa feuille, c'est-à-dire l'assignation en police correctionnelle. Il allait s'asseoir sur la planche à pain. 1. Pour ivresse manifeste. 2. Rébellion, menace et outrage aux agents. 3. Cri et chant séditieux. Comme on voit, il était bien loti et fadé. « Mon pauvre JB, geignait-il dans sa cellotte, ton compte est bon. Tu vas en tirer du shtar. » Et pendant ce temps-là, toutes les mistoufles radineront à ta cambuse. Et il en avait le cœur gros en songeant à sa bourgeoise et aux mioches. Sans parler de la soif. Oh, une de ces soifs! Il passa encore cette nuit-là au dépôt, dans l'incessante rumeur de cette geôle, toujours en mouvement, au milieu des appels et des sonneries électriques. Au jour, on vint le chercher. « Allons, le 95, avec armes et bagages !» Cela signifie qu'on s'en va définitivement du tas. L'oreille basse et pas fière, il remonta dans le panier. Oh, il n'alla pas loin cette fois. De l'autre côté de la cour, aux 36 carreaux. Administrativement, la souricière. C'est le bâtiment où l'on attend en demi-muscules et puantes célottes ou dans des salles étroites, le moment de passer à l'instruction, chez le curieux ou en gerbement devant les vaches. Excusez, mais c'est le mot classique. Chopin, lui, bénéficia d'une cellotte et put contempler à l'aise, pendant des heures, les 36 carreaux de son étroit logement. Pour surcroît d'embêtement, un sale trou de chiottes le repoussait du goulot dans le naze et l'emboucanait jusqu'au vomissement. « En voulez-vous des gogues ?» groumait JB. « Il y en a partout, décidément, quand on est dans la mélasse, c'est jusqu'au cou. Pas d'erreur, que choléra, si c'est pas malheureux. » En République. Heureusement, le cantinier passait devant les guichets vitrés, accompagné d'un gaffe, le sous-brigue. « Une gobette ? Tu parles ! » exclama Chopin. « 10 gobettes ! » !»« Pourquoi pas tout le cruchon ? » railla le cantinier, remplissant le gobelet. « Vous n'avez droit qu'à une, » grogna le gradé, intervenant en bouledogue. « Et tâchez voir à être poli, vous, et à ne pas tutoyer le monde, espèce de gibier !» Et Chopin, s'étant rincé la dalle pour ses 3 pélos, pour ses 3 sous, le surveillant de la souricière reboucha le guichet sur sa pauvre trogne éteinte. Après une station de plusieurs heures, un gardien vint lui ouvrir et ordonna avec l'éternelle urbanité des prisons. « Venez-vous là ! Mettez-vous là ! Bougez plus ! Fixe !» J.B. Chopin se trouva en compagnie d'une fournée de malheureux qui allaient monter en jugement. Dans le tas, il aperçut son fils. D'un même élan, ils furent dans les bras l'un de l'autre. « Ce bon Charlot ! Mon pauvre daron !» Mince de secouer, les 6 peaux les arrachèrent à leur étreinte et les envoyèrent dinguer aux 2 extrémités de la salle. Et le gaffe en chef de gueuler. « Foutez-leur les menottes ! A-t-on jamais vu ? Crapule, va ! Mais c'est mon fieu ! Silence !» tonna à son tour l'huissier audiencier. Il fit mettre les prévenus sur un seul rang, et face à lui, tandis qu'un nombre égal de municipaux se plaçait derrière le gibier de correctionnel. Et un contre-appel se fit, pour éviter des erreurs, là-haut, devant le juge, ce qui faisait toujours rigoler la trêpe, le public. Ça marchait bien. « Suivez-moi !» Et l'audiencier, un gros ventripotent, en robe, toque et bavette, ouvrit la procession. Les prévenus, conduits au cabriolet, chacun par leur garde, grimpèrent l'escalier en colimaçon, puis on leur ouvrit une dernière porte. Les chaînettes tombèrent des poignets, en vertu de la loi. L'accusé comparaîtra libre et sans fers. On était à l'audience, en pleine et éblouissante lumière, au sortir de l'ombre glauque de la louche souricière, et les badauds, tranquillement assis dans la salle, de se dire « Quelle face de gredin !» Parbleu, tous ces misérables ont été cueillis, avec quelle délicatesse, dans la rue. Depuis 2 ou 3 jours, ils n'ont pu, pour la plupart, faire aucune toilette ni changer de linge. On les a traînés, bousculés, fouillés, déshabillés, ahuris de questions et de menaces, affamés de surcroît. Et l'on voudrait qu'ils se présentent d'un air dégagé, en parfait gentlement. Allez-y donc, les gars, et vous verrez de quoi ils retournent, et si vous ne clignez pas des yeux devant les juges, comme les camaraux, et avec une de ces binettes à la flanc. Un rêve. Quant aux femmes faites par les mœurs, on pige du tableau, les lendemains de rafles ou de bitures. Chopin et son fils s'assirent sur une planche à pain et attendirent leur tour. Ça ne traîna pas en longueur du reste. Le grand Charles passa le premier. Sa mère, enfermée dans la salle réservée aux témoins, fut alors amenée à la barre. « Est-ce que vous le réclamez ?» interrogea le président. Et Chopin de ressauter. « Si on le réclame, notre grand pour sûr !»« Taisez-vous » glapit l'huissier, tandis que le municipal rasseyait le bon pochard sur son banc. Fifine portait son nouveau nourrisson, la petite rose aimée, dans les bras, cela pour apitoyer le tribunal. « Qu'est-ce que vous avez à dire, femme Chopin ?» Et elle de répondre, d'après le conseil de l'avocat d'Ocase, « Ils étaient bu, tout uniment. V'là la vérité vraie, mon président. Cet homme n'a que ce défaut-là. Et quant à Charlot, on peut dire que c'est bien la première fois. » À bout d'éloquence, elle se mit à geindre et à pialer. Mais ce n'était pas l'affaire du bêcheur, le ministère public. Il tenait à son petit effet. Il y a là de son boniment sur l'audace effrayante des faubouriens, le péril social, l'ordre, la propriété, la famille, et autres balançoires. Suivant le mot célèbre d'un homme du métier, le président Cartier, qui siégeait précisément à la 9e. On appela les témoins à charge. « Messieurs les gardiens de la paix, sans vos sabres !» criait l'huissier. « Sans armes !» La déposition des agents dans ces sortes d'affaires est connue, c'est un invariable cliché. « Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?»« Je le jure. Parlez. »« Monsieur le Président, le prévenu nous a appelés vaches, bourriques, tantes et pestailles. Il a fait rébellion et nous a porté des coups. Au poste, il a dit qu'on nous pendrait par les... C'est bien. Appelez un autre témoin. » Vous jurez de dire la vérité, etc. Oui, monsieur le président, le prévenu nous a traités de bourriques, de vaches, de... Un autre! Et c'est toujours du même tonneau, idem au Cresson et Kif-Kif Bourricot. Un agent ne saurait admettre qu'un individu arrêté ne l'ait pas qualifié avant, pendant et après de... Voyez plus haut pour la nomenclature. Ça, c'est comme le pater du sergent. Chose sacrée, les accusés ne devraient même plus y faire attention et acquiescer simplement. Mais il y en a qui ignorent totalement les finesses de notre langage et qui en baillent comme des carpes devant les juges en train de moudre à la vapeur des condamnations. En somme, Fifine, Chopin et Gibé réclamaient leur progéniture. Hum, hum. Le tribunal délibérait. « Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ?» demanda, par acquit de conscience, le président au grand Charles. L'arpète protesta. Mais c'est eux qui nous ont insultés, bousculés et passés à tabac, mon père et moi. On en a encore les marques, tenez. Taisez-vous. Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, attendu qu'il résulte des débats. Conclusion, Charles était bon pour la petite roquette, et allez donc, au père maintenant. Oh, celui-là, le bêcheur, lui en raconta. Paresseux, ivrogne, débauché, révolutionnaire et athée. Brrr, la sévérité du tribunal, etc., etc. L'avocat de la maman Chopin payait 30 francs, place à 15 mots, et j'y mettrica de 6 marqués. Il fallait un exemple. 6 mois ? Répéta J.B. effondré. Bah, qu'est-ce qui va donner à boulotter à la femme et aux gosses pendant ce temps-là ? Un autre ! Cria le président. Et comme J.B. s'éternisait, questionneur, Garde, emmenez-le.